Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Philippe Aubert de Gaspé, l'ancien Canadien. Il y a là une très grande liberté qui est à la hauteur des grands de la littérature. Il y a du Cervantes, Cervantes est d'ailleurs cité là. Il y a des références bien sûr à Homère. C'est l'un de nos grands textes, 18 chapitres bien montés sur l'axe central de la déchéance vécue de son auteur. Le critique littéraire et spécialiste du roman québécois Jacques Allard parle de la qualité et de l'importance du roman Les Anciens Canadiens à l'émission Les Figures de Proue en 1999. 18 chapitres bien montés sur l'axe central de la déchéance vécue de son auteur, dit Jacques Allard dans cet extrait. C'est vrai que Les Anciens Canadiens, plus qu'un simple roman, c'est le récit nostalgique que fait Philippe Aubert de Gaspé d'une époque révolue et à laquelle il s'identifie, celle du régime seigneurial du temps de la Nouvelle-France. Ce roman n'en reste pas moins un joyau des débuts de notre littérature nationale. Radio-Canada présente les grands romans canadiens. Les Anciens Canadiens, roman de Philippe Aubert de Gaspé, publication des éditions Beauchemin, adaptation radiophonique, Yves Thériault. Ce roman reste la chronique la plus complète, la plus détaillée, la plus vivante des actes quotidiens chez les seigneurs du temps. Cette image du Canada à l'époque de la conquête, que le roman de Philippe Aubert de Gaspé nous peint avec autant de fidélité, place les anciens Canadiens à un rang très spécial dans notre littérature. C'est notre premier roman de mœurs, des mœurs d'une pureté remarquable, intéressant par la minutie que l'auteur a apportée à les expliquer. On y retrouvera la fascinante histoire de la Corriveau, le sauvetage de Dumais, la marche sur Québec par les troupes de terre du général Wolfe. Une chronique précieuse de ce temps où notre peuple s'est vraiment formé pour émerger tel qu'il est aujourd'hui, autonome et puissant. Extrait de la mise en situation qui précédait la présentation de l'adaptation radiophonique du roman Les Anciens Canadiens, diffusé à notre antenne en 1951. Pour nous raconter la petite histoire des Anciens Canadiens et de son auteur, Philippe Aubert de Gaspé, je reçois Claude Lacharité, qui est professeur au département des Lettres et Humanités de l'Université du Québec à Rimouski et qui a co-dirigé avec Marc-André Bernier l'ouvrage Philippe Aubert de Gaspé, mémorialiste, publié aux presses de l'Université Laval. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Commençons cette émission en revenant sur cet extrait, Monsieur Lacharité, qu'on vient d'entendre. C'est vrai que ce qu'on connaît d'abord et avant tout de Philippe Aubert de Gaspé, c'est ce roman, Les Anciens Canadiens. De quelle manière, en quoi ce roman-là est-il important et de fait, est-ce qu'il est aussi important qu'on le dit? Oui, c'est une excellente question. Comme très souvent avec les classiques, on a affaire à une œuvre dont on parle beaucoup, mais qu'on lit très peu. Mais ce qui est intéressant avec Les Anciens Canadiens, c'est que c'est véritablement le premier classique de notre littérature. Classique au sens étymologique du terme, qui veut dire qui s'enseigne en classe. Et de fait, depuis 1863, on lit et on enseigne Les Anciens Canadiens sans interruption jusqu'à nos jours en 2018. Ouais. Il y a dans cette œuvre-là... Comment vous la considérez, vous, cette œuvre, Les Anciens Canadiens? On parle d'un roman, bien sûr, il y a en même temps, on l'entendait dans l'extrait, un portrait d'époque. Il y a donc un aspect documentaire. C'est quoi pour vous, d'abord et avant tout, Les Anciens Canadiens? Une œuvre plutôt documentaire? Un roman? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Qu'est-ce qui appartient à la fiction dans cette œuvre-là? Mais je pense que c'est une œuvre hybride, délibérément hybride, qui joue sur les deux tableaux à la fois. C'est une œuvre à la fois qui relève de la fiction, mais aussi de l'histoire. C'est un roman historique. Et c'est une œuvre qui est importante parce qu'elle cherche à apporter un démenti au rapport de Ram qui avait, parmi ses conclusions, tiré justement la conclusion que les Canadiens étaient un peuple sans histoire et sans littérature. Oui. Alors, les Anciens Canadiens offrent un démenti puissant à cette conclusion accablante en montrant que les Canadiens ont une littérature, en tout cas en auront une à partir de 1863, et une littérature qui magnifie l'histoire nationale, qui remonte très loin dans le temps. Et c'est donc une façon, en quelque sorte, de donner tort à Lord Durham. Et je crois que beaucoup de lecteurs au 19e siècle appréciaient cette dimension de l'œuvre. Ouais. Avant de parler davantage de l'œuvre, parlons un petit peu quand même de son auteur. En quelques mots, à qui on a affaire? Qui est Philippe Aubert de Gaspé? Alors, c'est un personnage assez fascinant. Hein? C'est un descendant de la noblesse canadienne. Il appartient à une famille seigneuriale. Ce sera le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, puisque le régime seigneurial sera aboli de son vivant en 1854. C'est d'abord un juriste brillant qui va obtenir un poste très prestigieux, celui de shérif de Québec en 1816. Mais malheureusement, les choses vont s'arrêter très brutalement pour lui en 1822 parce qu'il sera destitué de sa charge de shérif. Pourquoi? Et alors parce qu'en fait, il est accusé de défalcation. Autrement dit, on l'accuse d'avoir détourné de l'argent à des fins personnelles. Comme il était shérif, il recevait des montants d'argent en fidéicommis. Donc, en principe, il s'engageait à restituer les sommes aux gens qui les versaient. Simplement, Philippe Aubert de Gaspé avait une conception assez large de ce que c'était que la fidéicommis et a utilisé la plupart des sommes qui lui avaient été confiées à des fins personnelles, de sorte qu'il a été incapable de rembourser. Et donc, il va s'exposer à des accusations. Les procédures judiciaires vont traîner en longueur. Donc, il est destitué en 1822, mais c'est seulement en 1838 que s'ouvre finalement son procès qui mènera à sa condamnation et il sera emprisonné pendant plus de 3 ans. Ouais. Aussi bien dire que c'est une déchéance sociale complète et totale pour celui qui aurait pu être un des membres les plus prestigieux de l'élite de la ville de Québec du 19e siècle. Revenons au roman, qu'il va écrire d'ailleurs, et ça s'explique parce qu'il y a cette déchéance sociale, ce tournant 1822, les procédures interminables, ces 3 années de prison, mais en fait, il va venir à l'écriture très très tard. Il a plus de 70 ans quand il écrit cette œuvre, Les Anciens Canadiens, qui est publiée en 1863. Qu'est-ce que ça raconte, ce roman-là, Claude Lacharité? Alors, c'est le roman véritablement de la conquête. Hein? Le point central de l'œuvre, c'est la guerre de 7 ans, c'est la bataille des plaines d'Abraham, c'est évidemment la défaite des troupes françaises aux mains des Anglais, et ça raconte bien sûr l'époque bénie d'avant la conquête, donc le régime français, la Nouvelle-France, et les conséquences que Philippe Aubert de Gaspé estime plutôt heureuses de la conquête. La conquête, ça n'est pas quelque chose de honteux, c'est plutôt une chance unique donnée aux Canadiens de participer à ce qui est le plus grand empire de l'époque, l'empire britannique. Hein? Mais donc vraiment, le point tournant, c'est, je dirais, la bataille des plaines d'Abraham, la défaite, hein, et ça n'est pas un hasard si l'œuvre paraît en 1863, parce que c'est 100 ans, très exactement, après le traité de Paris, qui cède la Nouvelle-France à l'Angleterre. Tout ça avec une trame où il y a des personnages. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Roméo et Juliette à la sauce canadienne? En tout cas, il y a des personnages, une histoire de couple, c'est ça la trame de fond, en fait. Exactement, oui. En fait, il y a 2 personnages importants qui s'affrontent. Jules d'Aberville, qui est le fils du seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, et un jeune orphelin écossais qui s'appelle Archibald Cameron de Lochiel, qui est placé au séminaire de Québec par un oncle jésuite. Et ce jeune archer se prend d'affection pour Jules, si bien qu'il finit par être pratiquement adopté par la famille d'Aberville, donc la famille seigneuriale de Saint-Jean-Port-Joli. Mais évidemment, l'histoire va les opposer d'une façon absolument tragique, puisque les deux vont devoir s'affronter sur le champ de bataille. Jules, évidemment, combattant sous le drapeau français, et archer, lui, étant écossais, va devoir se battre du côté des troupes anglaises. Ouais. Et il va même devoir incendier le manoir familial des d'Aberville, alors qu'il a la plus grande affection pour toute la famille d'Aberville. Ouais, donc, Roméo et Juliette, non pas dans l'amour physique, mais dans les deux familles culturelles qui se côtoient durant ce roman-là. Qu'est-ce qui pousse Philippe Aubert de Gaspé à se lancer dans l'écriture des Anciens Canadiens? On écoute à nouveau le critique littéraire Jacques Allard au micro de Mario Proulx en 1999. Il a rencontré quelqu'un dans la rue qui lui a fait des compliments sur son esprit. Il en a décidé que s'il avait tant d'esprit, aussi facilement, il pouvait peut-être en mettre profiter. Ça à profit, oui. En fait, il était très connu pour tous les contes, toutes les histoires qu'il racontait à tout le monde dans la rue, de telle sorte que sur le « comme ça », paraît-il, enfin, c'est peut-être une fiction aussi, sur ce coup de tête, sur cette rencontre, eh bien, il va décider de s'acheter une rame de papier et de se mettre à l'œuvre. Et il va dire, dans ses premières lignes du premier chapitre, « J'écris pour m'amuser au risque de bien ennuyer le lecteur qui aura la patience de lire ce volume. Mais comme je suis d'une nature compatissante, j'ai un excellent conseil à donner à ce cher lecteur, c'est de jeter promptement le malencontreux livre sans se donner la peine de le critiquer. » que les puristes, les littérateurs émérites, choqués de ses défauts, l'appellent roman, mémoire, chronique, salmigondi, pot pourri, peu m'importe. Alors, il joue au modeste, on l'entend bien dans la citation qu'on entendait dans cet extrait, il joue au modeste Philippe Aubert de Gaspé dans la façon de s'adresser à ses lecteurs, mais qu'est-ce qu'il pousse sur le fond, pourquoi il se lance à 75 ans dans l'écriture de ce roman-là? Mais je pense que l'anecdote qui est relatée est probablement assez exacte. Hein? Philippe Aubert de Gaspé était un conteur absolument éblouissant qui multipliait les anecdotes, les souvenirs personnels ou familiaux. Il a participé, entre autres, aux réunions du Club des Anciens qui se réunissait à Québec dans la librairie des frères Crémazy, dont l'un des deux frères était Octave Crémazy, un des premiers poètes nationaux de notre littérature. Et je pense qu'effectivement, les gens étaient fascinés ouais. d'avoir affaire à quelqu'un qui a une verve intarissable et aussi fasciné d'avoir affaire à un vieillard hein, qui a en quelque sorte enterré tous ses contemporains et qui semble tutoyer pratiquement l'histoire nationale du Canada français. Il donne l'illusion finalement d'avoir été lui-même un ancien Canadien alors que pourtant il est né 23 ans après la fin du régime français. Ouais. Et ça va marcher. Vous dites qu'il a cette verve, il écrit ce roman. C'est un grand succès pour l'époque. C'est un succès commercial absolument phénoménal. En réalité, l'éditeur Débarras de Québec, dans le premier tirage, publie 1000 exemplaires. Ces 1000 exemplaires s'arrachent littéralement, de sorte que dès l'année suivante, en 1864, il va republier l'œuvre à 5000 exemplaires. Or, 6000 exemplaires, même d'après les critères d'aujourd'hui, en 2018, ça reste un succès commercial considérable, ouais. À plus forte raison au 19e siècle. Pourquoi un tel succès? Alors, c'est une bonne question, mais je pense, à mon avis, que ça répond à des attentes des lecteurs de l'époque. Hein. D'une part, je disais tout à l'heure, c'est un démenti au rapport de Durham, mais surtout, ça correspond à une forte nostalgie qu'éprouvent beaucoup de Canadiens français par rapport à la Nouvelle-France, qui est souvent envisagée comme une époque bénie, l'époque, finalement, des origines d'une civilisation dont les Canadiens français auraient été coupés par le traumatisme de la conquête. Donc, beaucoup de lecteurs, finalement, se plaisent à imaginer la Nouvelle-France telle que la représente Aubert de Gaspé. Évidemment, c'est une représentation fortement idéalisée, ouais. Et c'est justement ce que les lecteurs de l'époque attendent d'une œuvre comme les anciens Canadiens. En fait, il idéalise à la fois ce régime ancien, le régime français, cette Nouvelle-France, cet âge d'or perdu, et le régime seigneurial aussi. Allons-y peut-être un morceau à la fois. Commençons par cette idéalisation de la Nouvelle-France. Quelle représentation il en fait, Philippe Aubert de Gaspé? De quelle manière on peut dire qu'on est vraiment dans une représentation idéalisée? Mais en fait, il se plaît à représenter un monde qui serait pratiquement parfait, hein, harmonieux à tous les points de vue. Les anciens Canadiens, d'après Aubert de Gaspé, vivaient presque en symbiose autour d'un seigneur bienveillant, compatissant, qui traitait ses paysans, ses censitaires, presque comme des membres de sa propre famille. Beaucoup de scènes qui se sont placées avant la guerre de Sept Ans, avant la guerre de conquête, cherchent à montrer justement la grandeur et la beauté de ce régime seigneurial. Il y a entre autres la scène de Dumais, par exemple, un paysan qui se blesse lors d'une débâcle. Et comme il n'existe pas de régime universel d'assurance maladie non plus d'hôpitaux au 19e siècle, ce sont les seigneurs qui jouent le rôle en quelque sorte de providence auprès ouais. de ce censitaire en l'accueillant dans le manoir jusqu'à sa guérison complète. Hein. Et ça, c'est évidemment pas innocent. Aubert de Gaspé veut montrer que les seigneurs n'étaient pas des exploiteurs, mais étaient très utiles d'un point de vue social. Ils étaient le ciment de la cohésion sociale de la Nouvelle-France. Donc, embellissement à la fois du régime ancien, du régime français et du régime seigneurial comme tel. Ça ne correspond pas... C'est pas ce qui se passait, au fond, dans la réalité. Ben, c'est difficile, puisque malheureusement, personne n'a pu, en tout cas de vivant, vivre ce régime seigneurial à l'époque de la Nouvelle-France. Mais ce qui est certain, c'est que c'est probablement trop beau pour être absolument vrai. Hein? Aujourd'hui, il y avait un vrai rapport de hiérarchie, malgré tout, dans ce régime-là. Il y avait un vrai rapport de hiérarchie, exactement. Alors, le problème, c'est qu'au fond, selon la seigneurie où on se trouvait, les choses pouvaient être tout à fait différentes. Hein? Il y avait, je pense, comme dans le monde d'aujourd'hui, des seigneurs qui étaient certainement soucieux du bien commun, et des seigneurs peut-être un petit peu plus négligents dans l'administration de leur seigneurie, plus intéressés à toucher les redevances qu'à véritablement, protéger les paysans qui exploitaient les terres concédées dans leur seigneurie. Donc, je pense que la situation est extrêmement contrastée. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, vous disiez, c'est le dernier, Philippe Aubert de Gaspé sera le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressé, de très intime à sa propre personne dans cette espèce d'entreprise de justification? question du régime seigneurial, de cette époque révolue de la Nouvelle-France? Bien sûr, je pense qu'Aubert de Gaspé écrit son œuvre littéraire d'abord et avant tout pour se justifier lui-même, pour justifier le milieu social auquel il appartient, donc hein, une famille de la noblesse et une famille seigneuriale. Et il ne faut pas l'oublier, Aubert de Gaspé, c'est un vaincu, hein, c'est une espèce de perdant de l'histoire, c'est quelqu'un qui a subi une sorte d'affront social inconcevable au 19e siècle quand on est un notable de la ville de Québec, emprisonné pendant 3 ans pour dette. C'est une sorte, je dirais, de traumatisme avec lequel il est difficile de composer. Alors, plutôt que de plaider sa propre cause, il va plaider la cause du milieu auquel il appartient, celle des nobles et celle de la classe seigneuriale, en montrant que ces gens-là ont été souvent accusés à tort d'être des exploiteurs, des fainéants, des gens qui ont profité du système, entre guillemets. Il montre au contraire qu'au fond, ce sont des gens qui ont joué un rôle très, très utile dans l'histoire nationale des Canadiens français. Et de ce fait, hein, il redore du même coup, bien sûr, son propre blason. Il va se lancer dans l'écriture de ses mémoires quelques années après les anciens Canadiens. Pourquoi se lance-t-il dans cette nouvelle aventure? On écoute le comédien Gilles Pelletier qui lit un extrait de l'introduction des mémoires d'Aubert de Gaspé, extrait de l'émission « Les écrivains canadiens » diffusée en 1965. Un grand nombre de mes amis qui ont lu les anciens Canadiens plutôt avec leur cœur patriotique qu'en juge sévère ont eu l'obligeance de me reprocher de n'avoir pas commencé à écrire il y a quelque 40 ans. Est-ce un compliment? Était-ce un épigramme? Comme malgré mon expérience, je n'ai jamais pu me persuader qu'on voulût mortifier quelqu'un de cœur joie, surtout un vieillard. J'ai pris la remarque en bonne part et je me suis remis à écrire. Si j'osais risquer un Irish Bull, un calembour irlandais, je dirais que mon plus ancien contemporain étant moi-même, je dois d'abord m'occuper de mon mince individu. Je devrais en effet me rappeler tous les détails de ma vie depuis le jour même de ma naissance, car bien déchirant dut être le cri de douleur que je poussais en ouvrant les yeux à la lumière. Que m'importe après tout la critique? Je ne puis écrire l'histoire de mes contemporains sans écrire ma propre vie liée à celle de ceux que j'ai connus depuis mon enfance. Ma propre histoire sera donc le cadre dans lequel j'entasserai mes souvenirs. Cet extrait résume assez bien la démarche, l'esprit aussi qui guide Aubert de Gaspé dans l'écriture de ses mémoires, Claude La Charité. Au fond, ces mémoires-là, c'est une manière de prolongement de son roman, Les Anciens Canadiens. Oui, tout à fait. En fait, parmi les lecteurs qui ont laissé des traces de leurs impressions de lecture au moment de l'apparition des Anciens Canadiens, on trouve un certain Norbert Thibault qui déplorait le fait que Aubert de Gaspé n'ait pas fait un volume à part entière des notes et compléments. Ce qu'il faut dire que dans le roman historique, Aubert de Gaspé ne se contente pas uniquement de la fiction, il ajoute à la fin des notes et compléments pour montrer que tout ce qu'il raconte a un ancrage historique véritable et donc il relate une série de souvenirs, d'anecdotes personnelles ou familiaux, de telle sorte qu'en réalité, quand on fait l'aller-retour entre la fiction romanesque et les notes et compléments, on a presque l'impression que Jules d'Aberville, le protagoniste, le personnage principal du roman, c'est le double fictionnel de Philippe Aubert de Gaspé, hein, ce qui entretient l'illusion qu'Aubert de Gaspé lui-même a été un ancien Canadien, alors qu'il est né, je le disais tout à l'heure, 23 ans après la fin du régime français. Comment est-ce qu'on parle des deux œuvres, les mémoires par rapport au roman? Qu'est-ce qui, je ne sais pas s'il y en a une qui surpasse l'autre, mais elles se complètent certainement. Oui. Mais au-delà de ça, comment elles se comparent, ces deux œuvres-là? En fait, je pense qu'il faut les lire comme les deux parties d'un tout indissociable. Ouais. Je pense que le vrai plaisir de lecture, quand on lit Aubert de Gaspé, c'est de lire Les Anciens Canadiens et Les Mémoires, l'un à la suite de l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, Les Mémoires prolongent fort bien les notes et compléments. On a l'impression que, pour la première fois de sa carrière tardive d'écrivain, il se sent enfin libre de raconter directement ses souvenirs, ses anecdotes, sans se donner une sorte de prétexte romanesque avec une fiction qui, visiblement, est une sorte d'embarras pour Aubert de Gaspé. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les notes et compléments qu'il met à la fin des Anciens Canadiens et tout ce qu'il raconte dans ses mémoires de 1866, qui relate une période très précise, 1780-1820. C'est très intéressant parce que c'est une période très lointaine en 1866. Et ce qu'on peut se demander comme question, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'événements postérieurs à 1820? Mais tout simplement parce qu'en 1822, c'est la grande déchéance sociale. Aubert de Gaspé n'existe plus socialement, et il n'a plus donc rien à raconter. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Son fils écrira aussi. En fait, chez les Aubert de Gaspé, on pourrait dire qu'on n'écrit pas de père en fils, mais de fils en père, en quelque sorte. Exactement, oui, la formule est très heureuse, puisque Philippe Aubert de Gaspé, fils, va publier le premier roman de notre littérature en 1837. Ça s'intitule « L'influence d'un livre ». Et ça veut donc dire que le fils publie presque 30 ans avant son père, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il faut dire que le fils est un écrivain précoce, alors que le père, lui, ben, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un écrivain qui vient sur le tard à l'écriture, alors qu'il est presque déjà octogénaire. Est-ce qu'il y a des parentés sur le plan purement littéraire entre le fils et le père? Il y a certaines ressemblances, il y a beaucoup de différences, mais il y a certaines ressemblances, notamment dans les références littéraires. Le père et le fils ont tendance à citer parfois les mêmes auteurs, ce qui nous permet de penser qu'ils devaient certainement faire bibliothèque commune. Alors, je donne un exemple parmi tant d'autres. La citation qu'on trouve en page de titre de l'influence d'un livre est tirée des ruines de Volney. Or, Aubert de Gaspé, le père, dans ses mémoires, raconte qu'il a découvert cette œuvre lorsqu'il a fait son stage d'avocat à Québec, chez Jonathan Sewall, et qu'il avait été séduit par cette œuvre un peu sulfureuse, parce que pendant toute sa formation au séminaire de Québec, les bons prêtres catholiques l'avaient mis en garde contre les dangers de la pensée de Volney, écrivain des Lumières. Et on sait bien que quand on interdit de lire, c'est probablement la plus belle incitation à la lecture. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Vous disiez, l'une des particularités des anciens Canadiens, c'est qu'il est lu. C'est un classique. Il est enseigné depuis très, très, très longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'enseigne toujours. C'est toujours au programme au moment où on se parle. Mais il en reste quoi de ce personnage hors du commun, Philippe Aubert de Gaspé, et de son œuvre aujourd'hui? Alors, je pense qu'il est très présent dans l'imaginaire, la mémoire collective, même quand on n'a pas forcément lu ni les anciens Canadiens, ni les mémoires. Hein. Quand on parle du régime seigneurial, je pense qu'on parle toujours directement ou indirectement de la représentation idéalisée qu'en a donnée Philippe Aubert de Gaspé dans son œuvre littéraire. Il y a un grand historien de l'Université de Sherbrooke, Benoît Grenier, qui travaille sur ces questions et qui a fort bien montré à quel point il est difficile de faire la part des choses entre la représentation idéalisée littéraire d'Aubert de Gaspé et les aspects plus, disons, factuels que l'on peut découvrir grâce aux archives. Mais je pense que plus largement, il est associé au patrimoine bâti. La plus ancienne maison de Québec, la maison Jacquet, qui date du 17e siècle, abrite aujourd'hui un restaurant qui s'appelle Les Anciens Canadiens. Pourquoi? Parce qu'Aubert de Gaspé y a vécu au 19e siècle, mais aussi parce qu'Aubert de Gaspé, en quelque sorte, incarne la Nouvelle-France. Hein? Il représente architecturellement le 17e siècle français, alors que pourtant, c'est un homme né à la fin du 18e siècle. De la même façon, il est associé intimement au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, qui correspond en fait à la reconstruction du manoir familial de Saint-Jean-Port-Joli qui avait été incendié en 1909. Et je crois que c'est en 2009 qu'a été inauguré ce fort beau musée de la mémoire vivante. Et je pense que d'une certaine façon, le nom même de ce musée représente bien le principal héritage que nous a laissé Aubert de Gaspé, c'est-à-dire une mémoire vivante. Claude Lacharité, professeur au département des lettres et humanités de l'Université du Québec à Rimouski, co-directeur, je le rappelle, avec Marc-André Bernier du livre Philippe Aubert de Gaspé, mémorialiste. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.